Vous avez problème? Nous avons un podcast. Bonjour, ici Frédéric Barbouchi. Antoine Vézina. Ouais. Jean-Philippe Durand. Bonjour, bonjour. Tony. Mathieu Bouillon. Et voilà, fin du sketch. Ouais! Wow! C'était un des bons, ça. Vraiment, c'était la meilleure scène de raison et sentiment. Oui! T'avais du sketch ici? 110e balado. Oui! 110. Incroyable. On a donné notre 110%. Voyons. Non. Et puis, c'est ça, après 110 balados, on essaye toujours de donner des solutions. Mm-hmm. Oui, à vos problèmes. Mais on n'a pas vraiment de feedback. Oh, 5 courriers. Ça, c'est pas vrai, ça. Non, les feedbacks, 5 courriers, oui, on a des feedbacks, les gens aiment ça. Mais les gens... Les gens qui avaient des problèmes... Les suivis de solutions. Oui, c'est les ça. Les suivis sont peu fréquents. Ouais. C'est ça que je veux dire. Il y a Stéphanie qui nous avait écrit que sa solution Tuesday. Oui, t'étais content. Le 2 pour Tuesday. Ouais. Bon, mais sur 110, on aurait au moins... Non, mais je me rappelle aussi les perruches. Il me semble qu'elle avait été heureuse. Le balado 2, là. C'était Zaza, oui, puis l'autre perruche. Oui. Donc, les balados réussis, la numéro 2 et la numéro 96. Mais écoute... Le reste, échec cuisant. Ah, c'est ou mouchage dans le micro. Tu te souviens de tous nos balados par cœur? Non, mais je me souviens des réponses des gens. Personne répond. C'est ça que tu t'expliques? Mm-hmm. Ouais. OK. OK. On se réessaye. On se réessaye? Ben oui. Parfait. On a un problème qui vient ici de Patrick Nadeau. Mm-hmm. Qui nous dit... Oh! Cher pas de problème, voici mon problème. Comment fait-on pour visiter le monde avec un budget de voyage de 10$? Zing! Merci. Zing. Oh! Puis nous dit merci. Il y avait vraiment une bonne réponse sur le mur de pas de problème. Oui, on peut aller... Il y en avait déjà une excellente qui, je pense, va peut-être même empêcher d'Antoine de dire toutes ses affaires. Ah, si on pouvait... mettre un bas dans la bouche. Attends, hey. C'est Patrick Nadeau, hein, tu dis? Oui. Je le trouvais, mais il aurait fallu m'avertir avant. Ben, excuse-moi, bon, mais c'est avec... spontané, c'est pas écrit, cette affaire-là. Ouais, je vais y aller avec mes réponses. Ouais, quand est-ce que le monde a été inventé? Plusieurs. Mais non. C'est comme plus drôle. Il faut pas les asseoir à côté, ils sont comme chats et chiens. oui. Là, je des mimes. Attention. Ah oui, je l'ai. Bon. Oh. Ben, il y a Frédéric Doyon qui propose. Une roche de crack? Oui! Oui, mm-hmm. Génial! Hop, dans voyager dans ta tête, là. Okay. Alexandre McKenzie Fauché, Google Street View. Hey, ça, c'est brillant, quand même. Ouais. Et moi, j'ai rajouté, vous avez un problème, nous avons un groupe Facebook. Parce que là, clairement, il ne laisse pas... Je pense qu'il s'est répondu tout seul. Ah non, il a répondu au... Hey, allez voir ça, c'est fou. Mais c'était quel que tu aimais? Moi, Google Street View, je trouve ça brillant. Mais justement, Google Street View, ils ont fait une annonce qui est vraiment écœurante. Je sais pas si vous avez vu. Qu'est-ce que c'est avec ton 10$? Ils projettent comme sur un grand mur le Google Street View. Puis t'as comme les 4 personnes assises sur 4 divans, comme si c'était une voiture. Puis ils se promènent comme de carré en carré d'une destination à l'autre. Là. L'annonce est super chouette. Là. Vous regarderez ça. Super chouette. J'ai super jamais dit chouette. Ça. À la semaine prochaine! Super sweet. Il y a des possibilités. Échanger de maison, d'appartement. Donc, si vous êtes propriétaire, échanger avec quelqu'un dans un autre pays, une autre destination. Donc, à ce moment-là, au moins, ça ne vous coûte rien pour rester. Il y a des gens chez vous, bien sûr. Louer votre appartement, votre maison pendant votre absence. Ouais. Des fois, ça peut donner un revenu qui, dans certains pays, peut être amplement... pour y vivre. Il y a des gardiens de maison. Il y a des sites, il y a des gens qui demandent des gardiens de maison. Ouais. Des gens qui quittent pour de longue durée, qui ont besoin de quelqu'un pour arroser les plantes, ramasser le courrier, faire courir le chien, surveiller les enfants. Non, peut-être pas. Gardien de maison, mais quand même, tu voyages, non, mais t'es ailleurs. Pour le travail, en théorie, si t'as des dépenses payées, per diem, tout ça, qu'est-ce que tu manges, Mathieu? Ben, je mange pas, là. C'est mon paquet d'insuline. Je dois faire mon injection. Non, mais si tu vas, je sais pas, moi, comme un comédien par par exemple, qui joue dans LOL. Ah oui, c'est dans mes solutions, ça. Tu sais, qui voyage. Oui. Puis qui, justement, a de l'argent de poche pour ses dépenses. Oui. Ben, peut-être qu'il peut dépenser juste 10 $ et quand même visiter beaucoup de places. Absolument. Si tu trouves un contrat comme ça, oui. Si tu travailles à l'étranger, oui. Ouais. En plus, ben, tu reposes ta voix parce que c'est muet, non? Oui, exact. C'est ils se parlent même pas entre les techs. Non, non. Non, ils se parlent pas. Non, vraiment, c'est très, très strict. On se parle pas du tout du voyage. Très bon. C'est un comme un groupe muet. De sourds et muets qui part. Mais ils ont juste le droit de dire un mot. LOL. Bon, ça va? C'est bon? Les blagues sur mon dos? C'est fait? Mais un autre emploi qui est tout aussi gratifiant que être comédien, c'est être hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, pilote aussi. J'ai une collègue actuellement qui vient d'un 5 ans d'hôtesse de l'air. Elle a vraiment fait le tour du monde, sincèrement, grâce à ce métier-là. C'était excitant ce qu'elle racontait. Et à une certaine époque, les hôtesses de l'air avaient besoin d'être d'une certaine grandeur. Mm-hmm. Plutôt grande. Ah ouais. Il y a des jeunes filles qui subissaient une opération pour se faire grandir. Hein? Ouais, tu te fais casser les jambes. Aïe, aïe. Puis là, ils étirent un petit peu, puis là, l'os se refond, tu peux aller gagner jusqu'à un pouce comme ça pour devenir hôtesse de l'air. C'était quoi la grandeur? Hey, je me souviens pas. Moi, j'irais peut-être... C'était 6 pieds 7. Hein. Kyle McDonald style. Oh, vas-y donc. Connaissez-vous Kyle McDonald? Ben oui, bien sûr. Le One Red Paperclip. Ah! Les échanges. Il est parti avec un trombone rouge. Puis il l'échangeait toujours pour se rendre à une maison. Ben, et tu t'achètes quelque chose de 10 $ qui a une valeur, je dirais, peut-être plus sentimentale pour un autre. Mm-hmm. Et ensuite, bon, d'échange en échange, on valorise. Ça valorise, oui. Ouais. Ça prend de la valeur. Ça vaut ça, là, on va le trouver. Oui. Value price. Donc, l'aspect de troc pour toujours quelque chose d'un petit peu plus. Il y a des causes qui cherchent des volontaires. Souvent à l'étranger, des organismes qui vont souvent payer le billet d'avion, le vol, la nourriture là-bas, mais qui te permettent aussi peut-être de faire une petite levée de fonds. C'est surtout du temps, ça, que ça prend, plus qu'autre chose, plus que de l'argent. Donc, pour 10 $ je pense qu'avec ça, tu peux voyager. Sur le pouce, bien sûr, le covoiturage, c'est toi qui conduis. Oh. Les bateaux. C'est pas rare que les gens recherchent des marins. Alors, tu peux échanger contre des marins. Des marins contre... J'ai compris des malins, c'est pour ça. Non, des marins. Mais je donnais marin, je sais pas pourquoi. J'ai donné un petit twist personnel. Colonne, oui, c'est le ça. Marin. Un marin. Donc, en échange du voyage pour de menus travaux, si en plus t'es un petit peu meilleur, tu peux faire, par exemple, la cuisine, ou tu débrouilles un peu, tu peux même être payé. Il y a les croisières aussi, où tu peux voyager à travers le monde. Ouais. Bon, ça revient un peu à l'idée d'agent de bar, donc c'est un travail. Ouais. Qui voyage. Il y a transporté des véhicules. Il y a des compagnies de location d'auto, par exemple, qui ont besoin de ramener des voitures d'une ville à l'autre. Tu fais, moi, je fais ça, t'es payé, puis tu te déplaces, évidemment. Ou des gens qui déménagent puis qui font descendre leur auto, genre en Floride, là. Mm-hmm. Il y en a qui font ça. Alors, tu fais, moi, je suis payé. Moi, t'as le faire. J'ai le transport, je descends en Floride. Déjà, t'as un bout de fête, ça t'a rien coûté. Mm-hmm. Mm-hmm. Hein? Mais il y a tu sais, un peu Forrest Gump, je cours. Ah oh, oui. Ah bah, oui. Ou, tu sais, justement, aller sur un train, se faufiler. Ben oui. Oui, le fameux train, locomotive ou tout ça. Connaissez-vous le freeganisme? Ah non. Les freegans, c'est ceux qui vivent sans rien acheter. D'organisme gratuit. Ouais, c'est ça. Mm. Donc... Il y a des possibilités de manger. Mais c'est-tu des mendiants ou plus intelligents que ça, un peu? Non, mais le but, c'est de vivre à une place où les gens gaspillent. OK. Ah, OK. Fait qu'ils mangent genre les beignes au Tim Hortons qui sont jetés, là. Ouais. Il y a plein de trucs. Couch surfing. Oui. Vous êtes familier avec cet organisme, donc des gens qui changent des places. Mm. Pas seulement de changer d'appartement, mais c'est des gens qui font « Moi, je suis prêt à t'accueillir chez nous. » Couch surfing, donc ça risque d'être sur le divan. Mais qui sont intéressés donc à partager, à voir des gens d'autres pays, puis qui voyagent aussi. Mais oui. S'ils viennent d'offrir. T'en as-tu parlé avant d'échanger d'emploi? Non, échanger d'emploi, non. Mais non, mais il y en a qui... Il y a comme des professeurs qui font ça. Ils vont pendant six mois enseigner, genre, en Suisse. Puis là, le prof, là, change de place. Le prof de Suisse vient ici. Mais j'imagine que ça doit se faire pour plusieurs emplois. Ouais, tu peux changer de femme aussi, puis tout ça, là. Ouais, wife swap. Wife swap, c'est ça que je pensais. Ben ouais. Mais, six mois. Mais j'imagine que dans la plupart des... emplois, on peut essayer de travailler là-dessus. Ingénieur de son, peut-être? Mettre un bon 10$ pour aller acheter du papier sur lequel tu écris ton projet, puis le proposer à ton employeur, puis aller faire le tour du monde. Oui, c'est ça, par l'entreprise, j'imagine. C'est sûrement possible de faire le tour du monde commandité. Ouais. Tu vas voir une compagnie, tu dis, mon projet, c'est de faire le tour du monde. Peut-être que... Tu trouves un angle à ton affaire, t'sais, aussi niaiseux que d'aller voir la compagnie qui les Fritos, qui fait les Ringolos, puis de leur dire exactement de la même forme, je vais faire le tour du monde. Ben, il y a des compagnies qui sont spécialisées, que ça devienne viral, qui vont organiser des événements de charité, mais genre monter le Mont Everest. Et toi, tu fais, moi, je veux monter ça. Ouais. Mais il y a des compagnies qui t'organisent tout. Ils font, nous, là, on t'organise le transport là-bas, la patente, on va former un groupe. Mm. Toi, il faut juste que tu trouves des commanditaires. Okay. Que tu fais, hey, bonjour, je me cherche des commanditaires, je veux monter le Mont Everest. Si tu trouves les commanditaires, eux, ils vont s'occuper de toute la paperasse puis les godis autour. Si tu organises un groupe, souvent l'organisateur ne paye pas, lui. Oh, oui. Hein, tu fais, hey, moi, j'ai un groupe de 20. J'ai trouvé 20 personnes qui veulent aller en Grèce, 3 semaines, on prend la patente. Fond. C'est vous l'organisateur, ben vous payez pas votre affaire. Ben oui, il y a une vente de feu, là. En Grèce, oui. J'ai nommé la Grèce parce que ça peut être le fun. Parce qu'elle dit avec 10$ en Grèce, tu peux vraiment tout t'acheter. Ouais, mais celle-là, ça va être plus dur, ça va être plus cher. Là. Ah non, ça, c'est pas le contraire. Avec ton 10$ à toi. Ouais, mon 10$, c'est votre. La Worldwide Opportunities on Organic Farms. Les fermes organiques. La Wouf. Ils publient sur Internet des besoins. Alors, tu peux aller travailler sur la ferme. Donc, généralement, on a ce qu'il faut pour le faire. Puis, ils te nourrissent, puis ils te logent. Comme l'amour est dans le prix. Ben oui, j'allais dire ça. Ben oui. Il y a différents organismes qui font ça. Moi, j'ai moi-même participé à un programme d'échange avec le Commonwealth pour aller travailler. C'est-tu vrai? En Angleterre, oui. T'as fait ça, oui? J'ai fait ça. Ben, ton jeune temps? Moi, j'ai été là 6 mois en Angleterre. Ah, oui. Ben, les employeurs ont souvent avantage à faire ça parce que souvent, tu vois des gens qui vont être surqualifiés pour le travail, qui vont être la plupart du temps motivés parce qu'ils ont fait 6 heures d'avion puis ils veulent travailler puis veulent le faire. Parfois, il y a des avantages fiscaux à le faire. Ils connaissent personne. Ils connaissent personne. Non, mais tu peux avoir avantage au lieu d'engager de la racaille du coin, de faire « Hey, non, moi, j'ai 3 étudiants qui viennent travailler sur ma ferme. Tu sais, qui font toutes des bacs. » C'était ça ton emploi? T'étais garçon de ferme là-dessus? Non, moi, c'était un autre programme. J'étais en ville, puis il me trouvait des jobs. J'allais travailler. Bon. Je livrais les affaires, puis je classais des lettres. C'était-tu comme Mary Poppins aussi? Quand... Exactement. Je te dirais identique. Méconnaissable. comme travailler dans un hôtel, arriver dans un hôtel, puis faire, hey, moi, je travaillerais, puis vous me laissez la chambre. Puis parfois, dans certains pays, c'est plus simple que de te faire payer, parce qu'à ce moment-là, tu deviens un employé, puis il y a de la paperasse à faire, mais ils font non. On te donne la chambre, tu fais ça. Surveiller les vols à rabais. Ici, c'est un peu moins populaire, mais en Europe, il y en a beaucoup. Ryanair, entre autres, je nomme celle-là, mais il y en a plein. Mm. Et des vols genre à 3$, 10$. C'est débile, hein? Puis, oui, là, des affaires dans C'est du vrai vol! Se trouver une bourse d'études à l'étranger. Les avions, pas de toit. Oui. Aller étudier à l'étranger. Mais tu disais tantôt, Oui. Mais c'est vrai, proposer un film en subvention à l'étranger. Mais je pense qu'Adam Sandler, il fait toujours ça, genre de faire des films. Maintenant, à Hawaï, là. Ah ouais. Non, mais il y en a 2-3 où ça se passe là-bas. Il y a celui très malaisant de la fille amnésique, là, qui... Ouais. First Day. Misère. L'idée était pointe. Mais il y a aussi la course Destination Monde, là, qui a eu un bon succès le retour. Peut-être s'inscrire à la deuxième saison. J'ai pas regardé. Je l'avais écrit. Oui. Non, mais chroniqueur voyage. Oui, oui. Tu sais, il y en a plusieurs qui font ça, puis ils se font payer des voyages. Puis pas nécessairement, juste des blogs ou des affaires d'abord. Ah, journaliste tout court, là, tu sais. Ah oh, oui. Tu sais, des fois, les critiques cinéma qui font voyage payé par. Pour aller à Los Angeles, pour aller voir. Ben oui, c'est ça, là. Ouais, mais correspondant de guerre comme Dominique Arpin, tu sais. Ça, tu voyages. si on y va, là, vraiment, la meilleure solution, ce serait d'écouter notre podcast sur comment faire de l'argent au casino. Puis ensuite. Faire fructifier son 10$. Oui. Puis jouer dans tous les casinos du monde. Intéressant. Wow. Mm-hmm. Alors, en parlant de jouer, des concours, j'ai fait une rapide recherche. Au moment où on se parle, juste au Canada, là, ce qui sont accessibles pour nous, les Canadiens, il y a plus d'une centaine de concours de voyage. C'est un petit peu systématique. Puis il y a des sites qui réunissent. Là, ils font tous les concours de voyage au Canada. Tu vas là-dessus. Puis t'as... C'est bon. Ils sortent 150 sites. Au moment où on se parle, il y a un concours. Mm-hmm. Tu cliques, tu remplis la fiche. Ils disent si c'est mensuel, un par jour, les destinations, qu'est-ce que tu dois faire pour participer au concours. Donc, j'imagine que si c'était systématique, puis tu prends ce 15-20 minutes-là par jour à tout remplir tout le temps. Quoi, je serais pas surpris que d'ici 4-5 ans, ma foi, t'as gagné une fin de semaine en même temps, à Ottawa. Si tu prends ce temps-là... Yeah! À London, Ontario. Wow. Si tu prends ce temps-là pour faire quelque chose de payant, tu peux peut-être avoir plus que 10$ pour partir. Ouais, mais faut que tu rajoutes. Ouais, mais faut que tu trouves quelqu'un qui va te payer pour ces 10 minutes-là. T'as ta job qui te paye, puis tu fais « Hey, boss, en passant, j'ai travaillé 10 minutes de plus. » Ding, ding, ding. Non, mais tu sais, avec des choses qui remplissent de façon automatique, tu peux écouter de la musique, être avec tes enfants pareil, clic, clic, clic. En plus, tu surveilles. J'ai-tu gagné? J'ai perdu. Mm-hmm. Tu regardes les différents. Lâche-moi, fais-le pas, c'est tout. Puis là, t'as 8 blenders. Non, c'est juste. Écoute, il y a des sites qui recueillent. Mais non, mais tu sais, quand t'es deuxième, des fois, là. Ben, t'auras des blenders. Ma foi du bon Dieu, tu pars en voyage avec. Oui. Une blonde, tu fais une blonde à l'étranger? Yes, ça. Ça coûte cher. Ah ouais, c'est ça. Non, mais ça dépend. Ça vient ici, puis toi, tu pars là-bas à un moment donné, mais tu vas habiter dans la famille. Ils te trouvent un emploi. Être escorte. Ben, moi, c'est premier sur ma liste, être escorte. Ah ouais? Mais sans faire, il y en a qui ont juste besoin de... C'est pas nécessairement juste du sexe, là, c'est d'accompagner. Ben oui. Ben, moi, j'ai payé mes études comme ça. Mais non, mais... En accompagnant, oui. Mais... Quel beau mot. J'accompagne. Mais sinon, c'est... Je n'embrasse pas ça. Avec un peu d'attitude, là, tu t'essayes dans toutes les agences de voyage, t'arrives avec ton 10$, tu fais... Peux-tu me faire visiter le monde? Il y a peut-être une agence qui va faire... Ah, ben lui, il a du guts. Je relève le défi. Comme celui qui avait marqué, là, tu sais, c'est quoi l'audace dans son devoir? C'est ça. 100%. Écrivez-moi 2 pages. Puis il y a eu 300. C'était. Non, ou. Il a fait 2 autres courriers. Mais Ding Dong avait la solution dans le film. Ah oui, parce que non. 17$ dans le sud. Ah, ouais. Puis ça arrêtait dans le tunnel Ville-Marie. Ils font 6$ dans le sud. Mais non, tu vas pas nous laisser. Check pas bien. Ouais. C'était Roy, voyons, comment il s'appelle? Guilderoy. Ah oui? Guilderoy. Guilderoy. Mais tu parles d'escorte. Guilderoy. Une anecdote si drôle, j'ai peut-être déjà raconté. C'est un de mes anciens collègues de travail, un homme de la pub des années 80, est à Paris avec 2 escortes. 2 négresses, qu'il tenait à dire. C'était des négresses. Et là, c'était amusé toute la nuit avec les 2 escortes, et au matin, elle voulait être payée. Il leur avait donné de l'argent à Canadian Tire en lui disant « Avec ça, mes chéris, vous allez faire le tour du monde. » C'est dégueulasse. C'est terrible. Hein? C'est incroyable. Voilà. C'est dire qu'être escorte, tu fais pas toujours le tour. Une autre preuve que le podcast n'est pas édité. Non. Alors, ça n'a pas d'allure. Wow. Mais moi, peut-être que j'investirais mon 10$ dans un enfant dans le besoin. Ah! Qui t'envoie une petite carte postale de temps en temps pour te dire qu'il va bien. Carte postale d'ailleurs dans le monde. Oui, qui te fait voyager. Qui me fait voyager. Puis lui, il va peut-être faire le tour du monde. Ouais. C'est un grand coup d'espoir. Mm-hmm. Sinon, il y a peut-être d'aller acheter des mini repas dans à peu près tous les restaurants multiethniques à Montréal. Fait que t'as genre une moitié d'eggroll, un chucking de poulet au beurre. Non, mais ça, il avait sur Facebook, il a répondu ça à la proposition d'Alexandre McKenzie-Fauché d'aller sur Google Street View. Patrick a répondu « Avouons que la réponse de Frédéric est attrayante, c'est-à-dire une roche de crack. Cependant, après délibération, j'opte pour la solution offerte par Alexandre, d'autant plus qu'il me permet de bénéficier d'un excédent de 10$. Conséquemment, j'en profiterai d'abord pour aller au Dollarama qui m'offre une multitude de produits alimentaires importés. C'est vrai. Quoi de mieux que de savourer les saveurs locales? Pour favoriser le dépaysement. Ah, c'est bon. Puis c'était déjà répondu. Mais oui, c'est ça. Pourquoi on se casse la tête? Puis la roche de crack, Whitney Houston a essayé en fin de semaine. Non, monsieur, pas de suite. Non, mais non. Ça, non, mais ça voulait 3 semaines. Là, ouais, c'est ça. On s'est fait à l'idée. Non, mais le corps est encore chaud. Non, elle l'a dessoulé depuis. Arrêtez. Non, non, là, c'est. Arrêtez. Bon. Non, mais c'est sûr qu'il y a toutes les solutions avec je fais fructifier le 10 $. Mm. Comme mettons, tu prends un REER de 10 $. OK. Et il y a toutes les solutions où je travaille pour voyager, ce qui fait que ça me coûte pas 10 $. Mm. Mais est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions? Du genre. Ah, moi j'avais noté. Non, ben non, je note pas. Hein. Tout est improvisé. Ouais, c'est le 10$ là qui. Mais écoute, si tu te fais payer tes études pour devenir astronaute, puis tu arrives à faire une mission, ben là tu vas faire comme 20 fois le tour du monde. C'est bon. Vraiment. Il y a moyen, je change de sujet, de devenir espion. Ça, là, c'est vrai, hein, les espions. Hein. Il y avait une pub à TV, les charges du service d'enseignement canadien fait des pubs. Ils ont besoin de monde. Ils ont besoin de monde, hein, parce que pas tout le monde qui va être espion. Comment ça fonctionne? Je pense que... C'est secret, mon gars, arrête. Ouais, tu as des tests de sélection à passer, assez rigoureux. J'ai une ancienne collègue d'université qui s'était rendue quasiment à l'étape finale, là, avant un peu de choquer. Là. Ah, mais enquête un peu sur ta vie, tout ça, là. Ils te font faire des tests d'aptitude aussi. Puis voilà, là, en tout cas, j'en sais pas plus, mais... Puis l'étape finale, elle l'a pas faite. Il fallait qu'elle se mette une pomme de tir dans les bobettes, puis qu'elle fasse du saut en longueur. Puis ça, elle a pas voulu. Excusez-moi, j'écoutais pas. des solutions Twitter. Oui. Pascal Gauthier qui écrit on va visiter, en parlant du monde, là. On va les visiter en métro à leur casier au Columbarium. Comme ça, ça coûte moins cher. Oh! Je suis pas sûr de comprendre. OK. Samuel, Google Earth, Google Maps, pouce, prostitution, tueur à gage. Travaille puis ramasse ton cash, tabarnak. Ça vient ça mérite d'être clair. Bon. Stéphanie, devenir chummy avec John Travolta pour qu'il nous fasse visiter le monde gratos à bord de son jet privé. Oui, Travolta l'a écrit. Travolta. Travaolta! J.S. Wimet, on s'achète un globe terrestre dans une vente de garage. Ça coûte plus cher que 10$, mais à Epcot Center, ils ont comme une île là, avec tous les pays. Là. Oui! Ah, ouais. Banjo Bouchon a écrit un casque avec un écran suspendu devant le visage. Wow! Avec des images de partout dans le monde. Ah, j'aime ça. Et pour le 10$, tout aller rapporter au magasin avant 14 jours. Oh. Mmh. Ah, oui! Très bon. Très bon. Mais tu sais, vous savez, sur Internet, aujourd'hui, il y a moyen d'aller visiter le Louvre, d'aller visiter les plus beaux endroits de la planète. Mmh, c'est vrai, ça. Sans bouger. Mais une bonne assurance à 10$, tu pars, puis là, vers la fin, ben tu sautes en bas d'un immeuble. Tu reçois 500 000 $ d'indemnité. C'est bon. Ah, tu vas me dire que tu es blessé à vie, mais tu as fait un beau voyage. T'as fait le tour du monde. Le tour. Imagine. Ouais. Vous savez, qu'est-ce qui fait le tour du monde sans jamais bouger? Le timbre. Tu sais pourquoi il n'y a pas de portier au Louvre? Non, pourquoi? Parce que le château Louvre. Oh! Oh mon Dieu. En tout cas, devenir un timbre. Ah, oh, mon Dieu. OK. Ben là, je pense qu'on va mieux d'y aller avec nos solutions préférées. Moi, ma solution préférée, c'est Antoine qui l'a dit, puis je suis pas capable de le dire comment lui l'a dit. C'est M-A-R-I-N, là. Comment tu l'as dit? Marin. Oui, c'est ça, ma solution préférée. Marin. Marin. Oui, c'est plus ça. Ouais. Je veux dire. Moi, je vais y aller, je sais pas, je pense, la course destination. De faire... de faire en sorte que on nous pousse à y aller. Ouais. Ouais, on est aussi TV, c'est quoi l'autre affaire là? La fourche around the world. Non, il y a pas espèce de quiz. Ah oui, il y a des Amazing Race. Amazing Race. Pourquoi pas? Pékin Express aussi. Amazing Race. How sweet it is. And I will always. Je suis entièrement d'accord avec toi, Fred. Il y a moyen de le faire en se faisant payer. Même. Ouais. L'échange. Yes. Non, je reprends. L'échange avec la même personne, une personne qui fait ta job ailleurs. Non, moi, je suis comme l'autre, là, Blanchette, là. Mm-hmm. Pour la presse, là. Mais là, c'est rendu. C'est rendu. Voyons. C'est Tintin. Yves Pépeltier, il fait... Yves Pépeltier à la télé, il fait ça. Mais tu lui écrivais à la presse, il a publié deux livres. J'imagine qu'il a réussi. Bruno Blanchette. Mais évidemment, mes voyages, j'imagine, simplement. Oui, complètement. Puis tu te fais accueillir. Puis, que ça soit simple. Hein? Dans plusieurs guides là, de low budget, ils disaient, demandez, vous allez être surpris comment les gens sont prêts à... Ouais. J'ai une place, j'ai besoin d'une place pour coucher, j'ai besoin d'une job. Le monde fait, oh, viens-t'en. Mm-hmm. Ça se peut, ça existe encore. Mais allez visiter freegan.org, c'est ça? Je l'ai dessus. Oui. Il donne des conseils, là. Oui. Freegan.info. Mais c'est aussi une façon de penser. Là. Parfait. Parce Freegan. Que passer ton temps dans des containers à chercher... La photo n'est pas invitante. Non, chercher de la bouffe. Sinon, juste changer de coupe de cheveux, des fois, c'est un voyage en soi. Il y a ça, voyager dans sa tête. Ouais, on cherchait l'autre façon. Ben, il y a la drogue. Wikipédia. 10 piastres de drogue, mais... Ouais, pas hot. Un bon livre, grand format, avec de belles images, prises du ciel, avec des îles qui ressemblent à des cœurs. Puis t'en as un par jour, t'as 365 jours. Oui, ça, c'est beau, ça. Ou aller sur Bing Street View. Ah non, ça existe pas. Pas encore. Ah non. Les autres, ils font plus trottoir view. Les autres, ils essayent de plus cibler les trottoirs que les rues. C'est plus loin à faire. Ah, c'est dégueulasse. Ça pourrait être édité. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est ça la beauté de la chose. Oui. C'est la beauté. On vous demande d'ailleurs de voter. Revenez-nous avec vos commentaires, vos solutions, vos problèmes également. Oui. Et gênez-vous pas, hein. Je sais que je fais l'appel de temps en temps, mais... Un problème enregistré, entendre vos voix. Oui. Pour que les auditeurs puissent vous entendre également, ce serait très apprécié. Pas de problème, @gmail.com. Mm-hmm. Oui, on n'a plus notre adresse caramel.fr. Non. donc, allez, vous pouvez nous envoyer un fichier, des photos, avoir des preuves à l'appui, regarder comme l'objet est laid. Comment s'en débarrasser, tu sais. On peut... On peut pimper on n'a jamais eu de photo. Notre page. Non, on n'a jamais eu de photo. Il y a juste le cube qui nous a envoyé une photo. Exact. Ah non, mais sur Facebook, on a eu... une photo de pigeon à un on a eu des photos. Vincent Sedon nous a fait des photos On a eu quelques affaires. On a eu des belles affaires. Mais écrivez-nous et participez à notre concours « Comment changer le monde avec le moins d'efforts possible ». Et vos dons? Oui. Préparez-vous bientôt, il y aura moyen de donner de l'argent, pas de problème. Wow. Hein? Oh, voyons donc. Pas de problème fiscal. Pour qu'on puisse voyager. Ah ouais, c'est ça. Gratuitement. Vraiment. Alors, d'ici à la semaine prochaine, vous avez un problème, nous avons un podcast. Tourne-toi. Ow! Dans le cou. Ow!